Là c'est Monsieur Diamant. Elle veut sa place dans le bolide. Mais elle est bien dans le célibat. Et moi j'aime bien ta folie. Quand elle passe, y'a trop de débat. Ouh, j'aime quand tu whines sur moi. C'est doux dans moi quand tu whines. Ouh, j'aime quand tu whines sur moi. C'est tout de baby. On y va de tonne. Sunshine, la chaleur fait monter. J'accepte de payer quand bébé, bébé, fais le con. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. Débat. Sunshine, la chaleur fait monter. J'accepte de payer quand bébé, bébé, fais le con. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. Débat. Oh baby girl, veux savoir c'est quoi l'hôtel. Elle me dit parle pas d'âge, dis-moi je sais quoi l'hôtel. J'maîtrise bien mon karaté sans le mien. J'maîtrise aussi skinny, j'ai cher bébé elle. Chayo, vas-y doucement. Slowly, vas-y doucement. Sunshine, la chaleur fait monter. J'accepte de payer quand bébé bébé fait le pom pom. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. Débat. Sunshine, la chaleur fait monter. J'accepte de payer quand bébé bébé fait le pom pom. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. Débat. Sunshine, la chaleur fait monter. J'accepte de payer quand bébé bébé fait le pom pom. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. J'crois que j'suis dans un mauvais débat. Débat.